C'est bon? Petite mamouchka, rien ne sachant seul maintenant. Oh mamouchka, on t'a envoyé loin de ton pays, de ta famille et de tous tes amis. Tu t'es perdue, des déçus, petite mamouchka, dans un monde qui ne tourne pas rond. Oh mamouchka, on t'a envoyé loin ton pays, de ta famille et de tous tes amis. Oh mamouchka, ne pleure pas, regarde autour de toi, mamouchka, pourquoi pas. Y'a plein d'espoir dans ce monde noir, faut juste y croire. Mamouchka, ne pleure pas, regarde autour de toi, mamouchka, pourquoi pas. Y'a plein d'espoir dans ce monde noir, faut juste y croire. Pleurer son chagrin, cela ne sert à rien. Petite mamouchka, tout changera quand tu voudras. Oh mamouchka, on t'a envoyé loin de ton pays, de ta famille et de tous tes amis. Oh mamouchka, ne pleure pas, regarde autour de toi, mamouchka, pourquoi pas. Y'a plein d'espoir dans ce monde noir, faut juste y croire. Mamouchka, ne pleure pas, regarde autour de toi, mamouchka, pourquoi pas. Y'a plein d'espoir dans ce monde noir, faut juste y croire. Mamouchka, ne pleure pas, regarde autour de toi, mamouchka, pourquoi pas. Y'a plein d'espoir dans ce monde noir, faut juste y croire. On écoute.